champion de tricot. Godemamouni, Godemoutou, Chole, Masewa. Mbonde Betty Namboka Lilo. Hey maman. Charles Petit Mouta Pasi. Hey maman. Elle a voyo tout il moula sa. Mal à l'aise, hey, maman. Maman, pour toi, tout le monde est venu. Allons pas se saluer. A Okei, ou la pipe. Yé, pas de saline, bozoba. Ou boy, yé, blé, qui m'a maillé. Yé, boy, na yo, conclusio. Yé, talia, ta simante. Pour l'amour, la salaïoé. Ou yé, si ma bassine, soya, mon kili. Yé, boy, la nègre, la samoué. Didi, jiba, jipe, va, ya samoué. Oh mama, asambwe, ayo yo, bala asambwe, ela kisi ninyo, asambwe, bala ko, bala asambwe, oto pati, asambwe, na bose bala kisa mama ke bako mama kabolingo, na bome la ya pito sema, pasi ele kima, bando twa mabe. Oh mama, grâce à Dieu, grâce à l'inini, Jean-Jacques, qui n'a pas voté, qui n'a pas voté, pour le bac, qui n'a pas naillé, pour notre série, la la, ouais, ça l'aima, le col à pépo, et bamba, ou la la, l'icône, moi et vous, tout est possible, chaque année, la la. Anderson Kinamba, le vieux. Mbaka mene kwa raka. Sani la makwende.